Open bar. Oh. Oh. Oh. Open bar. L'ambiance est chaude, c'est chaud, c'est chaud, chaud. On est rentré, y'en a assez, assez. Et il est beaucoup trop tôt, trop tôt, très tôt, tôt. Pour rentrer, on n'est pas fatigué. Erico, mets-moi bien. Vas-y bébé, fais-moi dépenser toute ma monnaie. Vas-y poupée, mets-moi bien. Des idées pour s'amuser, j'en ai des tonnes. C'est la foire, foire. Et ce soir pas de bagarre, bagarre. Je suis avec mes gars bien accompagnés, bien accompagné. Dans le club, club, le DJ joue on se champagne et Grégou sur la table, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en, y'en a assez. Y'en tout a le monde assez. Est défoncé, même l'ego, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en, y'en a assez. Y'en a assez. Léger pour le goût et y'en a assez. Y'en a assez. Toi le bolide là-bas, je t'ai repéré. Je t'ai repéré. T'es vraiment charmé, je vais piloter. Coller serré, on va s'ambiancer. Laisse-moi m'approcher, continue de bouger. Chérie, vas-y, chérie, chérie, vas-y. Continue de bouger, sans t'arrêter. On fait abstraction du monde. Toi et moi sur la piste de danse, y'en a assez. L'ambiance est chaude, c'est chaud, c'est chaud, chaud. On est rentré, y'en a assez, assez. Et il est beaucoup trop tôt, trop tôt, très tôt, tôt. Pour rentrer, on n'est pas fatigué. Baby, go, mets-moi bien. Vas-y, bébé, fais-moi dépenser toute ma monnaie. Vas-y, poupée, mets-moi bien. Des idées pour s'amuser, j'en ai des tonnes. Y'en a assez, assez, ton physique est trop dopant. Dopant. Tu gardes les bolos sans échec et les laisses tout sacrant. Laisse tout sacrant. Moi c'est de toi que je suis dépendant, t'es irrésistible, girl, et tu sais te faire désirer. Ouais tu le sais, ouais tu le sais, ouais ouais tu le sais. Ouais, tu je suis le que mais qu'il te faut, ne te fais pas désirer. Ouais tu le sais, ouais tu le sais, ouais ouais tu le sais. Ouais tu le sais. Ne t'en fais pas toi et moi ça va coller. Ça va coller. Oh oui poupée tes courbes sont à tomber. Y'a ton. T'es vraiment charmé, je vais piloter. Piloter. Coller serré, on va s'ambiancer. Laisse-moi m'approcher, continue de bouger. Chérie, vas-y, chérie, chérie, vas-y. Continue de bouger, sans t'arrêter. On fait abstraction du monde. Toi et moi sur la piste de danse, y'en a assez. L'ambiance est chaude, c'est chaud, c'est chaud, chaud. On est rentré, y'en a assez, assez. Et il est beaucoup trop tôt, trop tôt, très tôt, tôt. Pour rentrer, on n'est pas fatigué. Baby, go, mets-moi bien. Vas-y, bébé, fais-moi dépenser toute ma monnaie. Vas-y, poupée, mets-moi bien. Des idées pour s'amuser, j'en ai des tonnes. Dans le club, club, l'ambiance est montée d'un cran. D'accord. Continue tous à bouger, poteau, y'a pas de mi-temps. Y'a pas de mi-temps. Il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan. J'vois mes poteaux en arrière-plan, ma table ressemble à un bar. Y'en a assez, y'en a assez, y'en, y'en a assez. Y'en tout le monde est défoncé et ma table ressemble à un bar. Y'en a assez, y'en a assez, y'en, y'en a assez. Y'en a assez. Y'a des flammes et des femmes qui dansent sur le bar. Qui dansent sur le bar. Pourquoi t'es dessiné comme une guitare, comme une guitare. Mes yeux des plafards, oh putain que t'es jolie. Que t'es jolie. Dans ma poitrine, c'est la fanfare. Fanfare. De ton corps, je m'empare et prépare tes douces nuits d'insomnie. Chérie, vas-y, chérie, chérie, vas-y. Continue de bouger, sans t'arrêter. On fait abstraction du monde. Toi et moi sur la piste de danse, y'en a assez. L'ambiance est chaude, c'est chaud, c'est chaud, chaud. On est rentré, y'en a assez, assez. Et il est beaucoup trop tôt, trop tôt, très tôt, tôt. Pour rentrer, on n'est pas fatigué. Baby, go, mets-moi bien. Vas-y, bébé, fais-moi dépenser toute ma monnaie. Vas-y, poupée, mets-moi bien. Des idées pour s'amuser, j'en ai des tonnes. L'ambiance est chaude, c'est chaud, c'est chaud, chaud. On est rentré, y'en a assez, assez. Et il est beaucoup trop tôt, trop tôt, très tôt, tôt. Pour rentrer, on n'est pas fatigué. Baby, go, mets-moi bien. Vas-y, bébé, fais-moi dépenser toute ma monnaie. Vas-y, poupée, mets-moi bien. Des idées pour s'amuser, j'en ai des tonnes.